بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الثامنة بعد المئة في قوله تعالى فأردت أن أعيبها الكهف donc toujours dans le kahf dans la 108e mas'ala à propos de la porte d'Allah dans le sens où il dit que j'ai voulu l'abîmer, c'est-à-dire le bateau. Il parle de qui là? De Zikornein, ou plutôt de l'Khadir, d'Al-Khadir, avec Moussa alayhi salam. Dans Surat al-Kahf, verset 79. Qala rahimahullah ta'ala, هذه الآية تدل على أن عيبه عيبها يكون سببا للترك الملك الغاصب لها ولذلك خرقها الخدير وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يقتدي أعز الملك للمعيبة والمعيبة والصحيحة معا. Donc il dit, ce verset nous montre que la cause de l'altération du bateau que Khadir a causé à ce bateau, qu'il a abîmé ce bateau, c'est du fait qu'il ne voulait pas que le roi s'empare de ce bateau, injustement. D'accord ? Et cependant, le verset montre un cas général que le Malik prenait tous les bateaux, qu'ils soient abîmés ou pas, dans le sens où Allah est dit, et qu'il y avait derrière eux un roi qui prenait tout bateau, qui s'empare de tout bateau. Il a bien dit, « Kulla safinatin rosba » qui s'empare de tout bateau, c'est-à-dire abîmé ou pas abîmé. Donc là, il y a un ishkel, on se dirait pourquoi l'abîmer alors que le Malik prend tous les bateaux à la base, abîmé ou pas. قال رحمه الله تعالى والجواب أن في الكلام حظ الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز. Donc la réponse est tout simplement que on a un attribut dans le verset qui était retiré, sous-entendu, qui en fait tout bateau, d'accord, tout bateau en bon état, tout bateau en bon état, et le fait d'enlever un art, ce qu'on appelle une sifa, un attribut, cela en langue arabe est permis lorsqu'on a une chose qui le démontre, c'est-à-dire qu'à la base il y a un attribut qui existe mais il était enlevé. Quelqu'un pourrait dire on n'a pas de, il n'y a rien qui montre que l'attribut était enlevé, et on dit cela dans la langue arabe c'est permis lorsqu'on a une chose qui démontre. À la base, on a un indice qui démontre que cet attribut était présent. Là, le verset le montre. Quel aurait été l'intérêt pour El-Khadir d'abîmer le bateau si ce n'était du fait que le roi s'en emparait. Donc il a bien précisé, en fait, c'était un bateau en bon état. Et après, c'était Abiyat d'Abd Malik dans l'Alfiya, où il démontre qu'en langue arabe, cela est permis d'enlever le sifa, l'attribut, lorsqu'on a un indice qui le démontre. Naam. Fa hadha wa al-jawab an hadhihi al-aya. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.